étoile du berger, je te suivrai où tu iras, j'irai fidèle comme une ombre jusqu'à destination. André Roman en Galilée suivait des yeux l'étoile du berger, comme Christophe Colomb et ses trois caravelles ont suivi le soleil avec obstination. C'est de vivre avec toi. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Comme les rois mages en Galilée suivaient des yeux l'étoile du berger, je te suivrai où tu iras, j'irai fidèle comme une ombre jusqu'à destination. Les eaux ciels que s'ouvrent les nuages, l'éclaircie dévoile le chemin. Les eaux ciels au terme du voyage, ton triomphe sera le mien. Comme les rois mages en Galilée vivaient confiant les Christophe Colomb et ses trois caravelles ont suivi le soleil avec obstination. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, comme les rois mages en Galilée suivaient des yeux l'étoile du berger, je te suivrai où tu iras, j'irai fidèle comme une ombre jusqu'à destination. Comme les rois mages en Galilée suivaient des yeux l'étoile du berger, je te suivrai où tu iras, j'irai fidèle comme une ombre jusqu'à destination. Comme les rois mages en Galilée suivaient des yeux l'étoile du berger, je te suivrai où tu iras, j'irai fidèle comme une ombre. Esto fue con Sheila.